بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Ça c'est notre deuxième rencontre autour du sujet le plus important dans cette religion, qui est le monothéisme. فلا بد أن ننتبه للجهل بالتوحيد في كثير من المسلمين الآن. وعندما يقول العلماء رحمهم الله وليسوا بمبالغين في ذلك، بل هذا هو الحق الذي يشهد له الواقع، أن حتى المتصدرين للدعوة اليوم كثير منهم لا يعرفون معنى كلمة التوحيد كما مر معنا في الدرس الأول، فهم ينطقونها ويقولون أن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وكما مر معنا صناديد قريش كانت تعرف هذا تمام المعرفة، والله عز وجل قال في حقهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يفهمون أن الله عز وجل خلقهم ورزقهم وخلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم يكونوا موحدين ولم يكونوا مسلمين، مع أنهم يقرون بأنه الخالق والرازق والمدبر. دونك faire très attention à quelque chose de très important sur laquelle les hommes de science attirent l'attention. C'est l'ignorance d'une grande masse de la communauté musulmane, son ignorance du pilier le plus grand et le plus important dans cette religion, qui est le monothéisme. Et les hommes de science n'exagèrent pas quand ils disent que certains, même parmi ceux qui se disent prêcheurs, ne comprennent pas réellement ce que c'est que le monothéisme, puisque, comme il est passé avec nous tout à l'heure, certains qui font le dawa donnent comme signification à la ilaha illallah, comme quoi c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la mort, etc. Alaykoum salam. Et cette définition, même si elle est vraie, les têtes de Quraysh la connaissaient, et les associateurs avec lesquels le prophète alayhi salam a eu des problèmes connaissaient cette signification. Et pourtant, ça n'a pas fait d'eux qu'ils soient des monothéistes, ni qu'ils soient des gens qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le Coran, si tu leur poses la question qui vous a créé, ils vont dire c'est Allah. Et si tu leur poses la question qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Ils le comprenaient très bien. Ils savaient qu'Allah gère ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui donne la subsistance, etc. Mais ça n'a pas fait d'eux qu'ils soient des musulmans. Et aujourd'hui même, combien, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le pèlerinage. Hein? Sache qu'il y a dans des pays comme au Maroc, et un petit peu partout en Afrique du Nord et dans le monde musulman, ce qu'on appelle le pèlerinage du pauvre. Le pèlerinage du pauvre, les gens prennent leur pactage, ils vont vers un lieu dans lequel est enterré X personne. Dieu seul sait qui c'est cette personne. Des fois, on connaît l'histoire de cette personne qui est enterrée là, des fois, on ne la connaît pas. Bon, par exemple, dans le sud marocain, dans la région de Assafi, les gens, au moment où les gens rentrent en pèlerinage, au lieu saint, Roma aussi, ils mettent leur ihram et rentrent en pèlerinage dans un sanctuaire et dans une région de. Et il s'appelle avec le sanctuaire Cheshkal. Et le jour de Arafa, ils se mettent debout sur une colline, comme les pèlerins. Et le jour où les pèlerins vont sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils font de même, mais ils sacrifient pour Allah, ils sacrifient pour le mort qui est dans la tombe. Et pendant toute la période où les pèlerins vont être à Mina, ils y seront aussi. Et ceci, quelque part, ce n'est pas que de l'associationnisme, c'est aussi se moquer des emblèmes de cette religion. Et se moquer de ce pilier principal qui est l'un des grands piliers de l'islam, qui est le pèlerinage. Et ce pèlerinage du pauvre, il n'y a pas qu'au Maroc que tu le vois. Un petit peu partout, à travers le monde musulman, tu as des endroits qu'ils appellent le pèlerinage du pauvre. Et en réalité, c'est une sorte de mafia qu'il y a derrière, parce que ça rapporte, ça draine beaucoup d'argent. Il est évident, ceux qui vivent sur les caisses de ces sanctuaires voient très mal les prêcheurs vers le monothéisme et le fait d'appeler aux gens au monothéisme, etc. Il ne faut pas croire, frère en Allah, Azzawajal, que toi tu dis la ilaha illallah et que tu comprennes ce que c'est que la ilaha illallah, que ça y est, tu es un cas marginal à l'islam. Et les cas marginaux ne font pas office de loi. Il faut voir la masse et le commun en général, ceux qui font la majorité de la communauté, où est-ce qu'ils sont ? Non, pourquoi ? C'est les musulmans demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire périr leurs ennemis, ça ne se fait pas. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Est-ce que nous avons réuni les conditions pour que nos doigts soient acceptés ? Est-ce que nous sommes dans les situations où les doigts vont être acceptés ? Hein ? Et parmi les conditions, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quand on ne connaît pas Allah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein ? Comment on peut lui réserver le culte ? Et parmi vous, dans votre entourage, vous avez même des intellectuels, mais qui portent la main de Fatma sur lui, ou là qui portent le trident, hein, l'emblème de la déesse de l'eau, et ainsi de suite. Ivazinta. Des fois, tu t'arrêtes à côté d'un stop, d'un feu rouge, tu regardes la voiture, belle voiture, avec l'emblème des médecins, et sur le rétroviseur, la main de Fatma, ou là le fer à cheval. Bac plus 9, et c'est le fer à cheval dans lequel il a mis l'espoir pour protéger la voiture de l'œil. Ou là la main, soi-disant, de Fatma, qui va lui protéger sa voiture. Et ainsi de suite, parmi le genre de superstition. Combien parmi vous aussi mettent les chapelets sur le rétroviseur? Et vous tombez dans la même chose qu'eux. Parce que certains se disent, l'Arabie va voir le chapelet, il va voir le CD sur lequel il est marqué Ayat al-Kursi, il va laisser la voiture tranquille. Chasse, frère en Allah, quand il sera en manque, qu'il voit le chapelet, ou là qu'il voit la main de Fatima, c'est ta voiture, il doit la saccager, il était dans le destin qu'il doit être saccagé, il va te la saccager. Ni la main de Fatima, ni le CD avec écrit dessus Ayat al-Kursi, ni le chapelet, ni ce que tu veux que tu lui mettras, le protégera. Celui qui protège, c'est Allah. Celui qui protège, c'est Allah. Il ne faut pas croire que les superstitions n'existent pas, même dans ce monde cartésien, dans ce monde qui dit le monde de la démocratie, le monde rationnel. Au moment des élections, les devins, le vient. Et les présidents qui veulent gagner, qui sont en bataille contre eux pour arriver au pouvoir, ce sont les premiers qui vont consulter les devins. Avec leur esprit de cartésien, leur esprit de, et leur système de démocratie soi-disant, etc., ce sont les premiers qui tombent dedans. Il est promis qu'il consulte les plus grands devins de la terre, que ce soit l'imam Adou ou là les Jean-Pierre et Jean-Jacques. La même chose. Hein? À pied d'égalité, ils vont les consulter. Hein? L'associationnisme existe. Oh, regarde, toi, quand tu traverses, combien de statues sont là? Hein? Combien de statues? Tu crois que ces statues, ils n'ont plus de place dans le cœur des gens? Ils ont leur place dans le cœur des gens. Tu prends par exemple les restaurants asiatiques, avec les bouddhas devant le magasin, devant le restaurant. Combien dansent leur mets le matin et le soir à la fermeture? Hein? Et dans les civilisations les plus avancées, les Japonais sont très avancés au niveau industriel, au niveau découverte. Les Chinois, la même chose. Pourtant, c'est des associateurs, ils adorent des pierres. Ça ne veut rien dire la civilisation. Ça ne veut rien dire la raison et le progrès, etc. Ça ne veut rien dire. Hein? Donc de là, ne t'étonne pas qu'un musulman bac plus 5 ou plus 9 ou plus 10 tombe dans l'associationnisme. Ne sois pas étonné. Les juifs sont très avancés dans tout ce qui est découverte, etc. et tout. Et pourtant, ils adorent le Uzair. Hein? Les hindous sont très avancés dans les progrès, non? Pourtant, ils adorent des vaches. Il est plus grand se mettre, s'expose aux urines des vaches. C'est un honneur pour lui que la vache puisse lui pisser dessus. La découverte, la raison, l'intellect, ça ne veut rien dire. L'heureux et celui qui est comblé de bienfaits, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli dans le monothéisme. Il se met sa face à Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît Allah azza wa jalla comme il se doit. Hada c'est l'heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Même s'il n'a rien dans le progrès, même s'il a peu de subsistance, même s'il n'a pas le 4x4, même s'il n'a jamais monté dans un avion ou quoi que ce soit, du moment qu'il connaît Allah et qu'il se met sa face à Allah et qu'il ne fait pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, dans la balance de la législation, dans la balance d'Allah, c'est le meilleur que celui qui, au somme du progrès, comme on dit, et que au lieu de réserver son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il le réserve à une pierre, une statue que lui-même a construite. Hein? لعل البعض يتساءل ويقول أنت قلت أن صناديد قريش فهموا من كلمة لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وأنا نفسي أفهم منها هذا فما الفرق بينه وبين أبي لهب وأبو جهل وصناديد قريش؟ ما دمت أنني أفهم من الكلمة نفس ما فهموا. يقول أهل العلم عندما تبدأ أنت تتساءل هذا السؤال أنك تفهم من الكلمة ما فهم منه أبو لهب وأبو جهل فهذه بداية المعرفة عندك. هذه بداية المعرفة عندما تبدأ تسأل نفسك أنك تفهم من لا إله إلا ما فعل أبو بكر فما الفرق بيني وبينه فهذا بداية معرفتك. الله عز وجل peut-être que certains parmi nous se posent la question. Tu dis que les têtes de Quraysh ont compris de la ilaha illallah que nous donne la subsistance et que nous donne la vie et que nous crée qu'Allah Azza wa Jal, alors que c'est des associateurs. Et c'est quoi la différence entre eux et moi, maintenant alors que moi, je comprends de la ilaha illallah aussi ce qu'ils ont compris. C'est quoi la différence? Sache frère Allah Azza wa Jal, les hommes de science disent, à partir du moment où tu te poses la question sur la différence qu'il y a entre toi et eux, c'est là où commence ta connaissance. Et là, le début de ta connaissance. Hein? Tu te poses cette question. C'est quoi la différence entre moi Et ces associateurs dans lesquels Mohammed a été envoyé, ils reconnaissaient, ils disaient pour la ilaha illallah, nous disons d'être adoré qu'Allah. Ah, et ils disent de la ilaha illallah que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la subsistance. C'est là où commence ta connaissance, frère Allah Azza wa Jal. ويجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا فإذا كنا نجهل فالجهل ليس بعيب إلا إذا تحول من جهل بسيط إلى جهل مركب il faut qu'on soit véridique avec nous-mêmes et sincère avec nous-mêmes si on ne sait pas l'ignorance ce n'est pas un tard en soi il n'est pas un défaut en soi sauf c'est notre ignorance De l'ignorance simple, il devient une ignorance composée. Parce que la base de l'être humain, c'est qu'il est ignorant. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Il est dit dans le verset Allah, il vous a sorti des ventres de vos mères et vous connaissez rien du tout. Et il vous a doté de lui, de la vue et du cœur. Et tout ça, c'est les moyens, les outils pour l'apprentissage. Mais au moment où notre ignorance va devenir un problème, c'est au moment où il se transforme d'une ignorance simple, qui est notre origine, à une ignorance composée. فالجهل البسيط علاجه سهل لأنه يعالج بالتعلم يوم بعد يوم بالمعرفة. فالجاهل جهلا بسيطا يعرف أنه جاهل ولكن المصيبة عندنا في الجهل المركب. الجاهل جهل جهلا مركبا هذا يظن أنه يدري هذا يظن أنه يدري وهو في الحقيقة لا يدري ولا يعلم يظن أنه على شيء يحسب أن عنده علم وهو على علم مع أنه في خطأ وفي الأحيان يكون في الشرك وهو يقول يظن أنه على الحقيقة ويجعل لله أندادا ويفهم من هذا أنه موحد إن الله عز وجل l'ignorance simple son remède il est simple c'est l'apprentissage et la connaissance l'apprentissage qui va donner une connaissance après donc l'ignorant une ignorance simple sait qu'il est ignorant il l'accepte mais la grande catastrophe elle est dans l'ignorant qui est dans une ignorance composée qu'il ne sait rien et qui croit qu'il sait. Et en réalité, il ne sait rien. Mais lui, il se donne l'impression comme quoi il sait. Il croit qu'il est sur une bonne situation. Ou là, des fois, il croit qu'il est dans le monothéisme. Et en réalité, il donne des équivalents à Allah. Les anges, ils croient que c'est ça le monothéisme. Ça, c'est le plus dangereux. Pour avoir une image plus claire de l'ignorance composée, c'est simple. Tu demandes à quelqu'un C'est quoi la bataille de Badr ? En quelle année a eu lieu la bataille de Badr ? Celui qui a une ignorance simple va te dire je ne sais pas. Clair, net, il ne sait pas. Celui qui va avoir une ignorance composée, il va te dire la bataille de Badr a eu la sixième année de l'islam, la sixième année de l'Hégire. Et tu vas lui ramener les preuves comme quoi la bataille de Badr n'a pas eu la sixième année de l'Hégire, mais il a eu la deuxième année de l'Hégire, il ne va pas en démordre. Non, il a eu la sixième année. Il va te dire c'est une chèvre, même s'il s'en va, c'est une chèvre pour lui. Il le voit voler dans le ciel. Et là, c'est une chèvre. Rien à faire. Il tient à son erreur. Il défend son erreur. Ah, c'est l'ignorant composé. Cette situation est très dangereuse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette situation. Il ne faut pas tomber dedans. Parce que c'est l'entêtement et l'orgueil qui va prendre le dessus. Et l'orgueil, c'est un obstacle pour l'apprentissage. فالجهل البسيط علاجه سهل هو التعلم فقط وكنا جميعا إلا من رحم ربك جهال ونجعل أمورا هي من صميم ديننا ومن صميم التوحيد، ونظن أننا من الموحدين حتى علمنا وفهمنا وسمعنا وبدأنا نصغى وننصت ونفتح آذاننا لمن يعيدنا ويذكرنا بالله ويعلمنا ما هو التوحيد، ها؟ فاعترفنا بجهلنا وتقصيرنا، فبدأنا نتلقى ونفهم لما استجبنا لدعوة الحق ولدعاة الحق وللدعاة الذين يدعون الناس إلى دينهم إلى الكتاب والسنة بفهم ومنهج سلف هذه الأمة. فهم الله عز وجل لنيرونس سامبل سون رومان دي سامبل لابرونتيساج. Et tous, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ce bienfait, nous étions des grands ignorants dans beaucoup de choses de notre religion. Et dans des choses qui concernent le monothéisme, le pilier principal de la religion. Nous faisions des choses, croyant que ces choses font partie du monothéisme, alors qu'ils sont des actes de l'associationnisme. Jusqu'à ce qu'on nous a appris, on nous a fait comprendre ce que c'est que le monothéisme. Est-ce que nous avons ouvert le cœur et les oreilles aux exhortes des hommes de science et aux rappels des hommes de science, et nous avons reconnu notre ignorance et notre négligence, et à ce moment-là, la compréhension a commencé à venir et la connaissance a commencé à venir, quand nous sommes orientés vers la parole d'hommes de science dignes du nom et vers les prêcheurs qui appellent vers Allah, vers le livre d'Allah et vers l'authentique de la sunna du prophète, avec la compréhension et la voix de l'épouseur d'Allah, à ce moment-là. Donc le fait d'être ignorant, ce n'est pas une tare en soi. Mais c'est l'entêtement et l'orgueil qui est une tare. L'entêtement et l'orgueil, ça c'est une tare. Parce que l'orgueil, c'est le blocage de l'apprentissage. Comme il est dit dans le hadith du prophète, deux n'apprendront jamais. L'orgueilleux, celui qui a la fausse pudeur. Des fois, on prétend être pudique, mais en réalité, quand la pudeur, quand on utilise la pudeur dans le fait de ne pas aller chercher la science, d'avoir honte, de poser des questions, c'est une fausse pudeur. Ce n'est pas la réalité de la pudeur dans ces cas-là. Et ça devient un obstacle pour sortir de l'ignorance. Wa al-ilm la yubalighun عندما يقولون ان كثيرا من المسلمين لا يفهمون الى اي شيء كان يدعو الانبياء عليهم الصلاه والسلام حتى المثقفين منهم كثير من المسلمين ما يعرفون ما هي نقطة الخلاف بين الرسول وقومه هل كانت في إثبات أن الله هو الخالق؟ هذه مسألة منتهية، هذه في فطرة الناس أن الله خالقهم ورازقهم. فإن الله عز وجل كنت لزوم دو سيونس ديز كنت لزوم دو سيونس نكزاجر با كنت لديز كو بوكو دو جون ne comprennent pas vers quoi les prophètes alayhi salam ont appelé leur peuple. Beaucoup de gens ne comprennent pas le point de divergence entre les messagers et leur peuple. Est-ce que le point de divergence entre les messagers et leur peuple, c'était dans le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, que c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui régit ce monde? Ça, c'est un point. Il ne se discute même pas, parce qu'il est inné dans la nature de l'homme, il connaît qu'il l'a créé. Il est inné en lui qui connaît son créateur. Comme quoi Allah l'a créé. Et que c'est Allah qui lui donne la subsistance, etc. Et même parmi les intellectuels, certains ne connaissent pas ce que c'est que la da'wah des prophètes, tellement certains parmi eux ont présenté la da'wah des prophètes comme quoi c'est une révolution pour prendre le pouvoir. Et ceci, c'est un énorme mensonge. comme il est écrit noir sur blanc dans le livre appelé La Voix, dans Da'wa, hein, la voix des prophètes, dans la Da'wa de Mohamed Zine Abidine Soror, qui est à Londres. Il présente la Da'wa des prophètes comme quoi c'est une. Que les prophètes sont venus pour renverser les pouvoirs et pour prendre le pouvoir. Et ceci est faux. C'est lui, nous avons. Et comme lui, sa voix, c'est une voix d'un khawarij pour arriver au pouvoir, ben, il est évident qu'il a vu ses aspirations de prendre le pouvoir quelque part, lui et son groupe, d'un soror, qui sont des khawarij, qui sont des khawarij. Hein? Vu que ses aspirations, c'est d'avoir le pouvoir, bon, il s'est imaginé la da'wa de tous les prophètes, c'est une révolution. Hein? Et il a détaillé la da'wa de Ibrahim avec son peuple, comme quoi c'est une révolution pour le pouvoir. Il en a fait de même pour nous, il en a fait de même pour les autres prophètes. C'est dans un milieu d'intellectuel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam alayhi. فالأنبياء على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبون أقوامهم بالربوبية لكي يصلوا بهم إلى ماذا؟ إلى الألوهية، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. للبروفيت عليه الصلاة والسلام يا لو تتنط بروفيت عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم s'adressait à leur peuple même quand ils s'adressaient à eux avec des versets de la souveraineté, c'est-à-dire Allah. Il attire leur attention, comme que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, comme Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les subsistances, etc. C'est pour les amener à adorer Allah. C'est pour leur dire, vous reconnaissez, vous savez qu'il crée. Vous savez qu'il donne la subsistance. Et quelle est la royauté d'ici et de la terre. Pourquoi vous adorez quelqu'un d'autre que lui? Et pourquoi vous adorez quelqu'un avec lui? Vous devez, puisque vous reconnaissez ça, vous devez... Réservez votre culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier ordre dans le Coran, dans Sourate al-Baqara, au verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, le début de Sourate al-Baqara, il te donne la description, certaines caractéristiques du livre. Il te donne, sur trois versets, cinq qualités, cinq caractéristiques des croyants. Et après, il te décrit les hypocrites. Et après, il te décrit les mécréants. Jusqu'au verset 20, et au verset 20 commence le premier ordre pour l'humanité. « Ojo, ya ayyuhannas, budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqoun, alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, was-samaa bina'an, wa anzala min as-samaa'i ma'an, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, wa hadha awwalu nahyin fi kitabillahi azza wa jalla. » Dans ce verset, dans lequel vont commencer les ordres. Allah Azza wa Jal, il commence aux gens, il s'adresse à l'humanité entière. Adorez votre souverain qui vous a créé et qui a créé ceux avant vous. Hein? Et qui a fait que cette terre soit stable pour vous. Il vous a facilité la vie sur cette terre et a fait que le ciel soit un toit pour eux, duquel il fait descendre de l'eau pour vous sortir les fruits et tout ce que vous avez besoin pour votre vie. Il vient à la première interdiction dans le Coran, ne faites pas d'équivalent à Allah en le sachant, alors que vous le savez. Hein? Donc, premier ordre et première interdiction. La première ordre dans le Coran, c'est le monothéisme. Hein? Première interdiction dans le Coran, l'associationnisme. De s'éloigner de l'associationnisme. Ça, c'est la base de la da'wa des prophètes, que beaucoup ne comprennent pas. Certains appellent au comportement, d'autres appellent à... Mais l'essentiel sur laquelle doit... C'est vrai que c'est une religion de comportement, il n'y a pas de problème. Mais sur quoi je dois baser ce comportement? Si je n'ai pas de monothéisme, que j'ai le plus grand des comportements, j'ai rien devant Allah. Ça ne vaut rien du tout. Je suis dans l'associationnisme, et que je suis dans le bon comportement, ça ne me sert à rien le jour de la résurrection. Mes actes sont non avenants. Mon comportement, ma dépense, tout ce que je fais, est non avenant. Donc, le monothéisme, c'est quelque chose de très important. C'est le début de la da'wa de Mohammed alayhi salatu wasalam. Il a fin de sa vie, il l'a faite avec. Il a terminé sa vie sur le monothéisme. Il a commencé appelez son peuple, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Il a terminé sur le lit de mort et il disait, la'natullah ala al-yahoud. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذرهم ما فعلوا. Au début de sa vie là, il a commencé en appelant les gens à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dites la ilaha illallah, c'est-à-dire réservez votre culte à Allah, le seul digne d'être adoré. Et sur son lit de mort, il disait, faites attention, ne prenez pas vos mosquées, vos tombes comme mosquées, et ne faites pas comme les juifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits pour ça. Il a attiré l'attention de cette communauté de ne pas tomber dans l'association, parce que le fait d'avoir une tombe dans une mosquée, ça draine vers quoi? Ça amène vers quoi? Vers shirk, vers l'associationnisme. Il a commencé sa vie appelé vers le monothéisme et il a terminé sa vie en avertissant contre l'associationnisme. Le monothéisme qui est devenu quelque chose maintenant, quand tu parles du monothéisme, quand tu parles du monothéisme, c'est comme si tu viens de Jupiter ou de Neptune. Maintenant, le langage du monde moderne, c'est s'exprimer. Comment ? Faire comme les autres, pour les aimer d'Allah, manifester, exprimer son opinion, faire des grèves de la faim. Ça, c'est maintenant, c'est la nouvelle da'wa et le nouvel monde, qui ne fait pas partie de la voie du prophète, alayhi sallatou salam. On ne peut pas faire triompher la communauté de Mohammed, alayhi sallatou salam, avec des choses que Rasul lui-même n'a pas fait, et ses compagnons n'ont pas fait. Impossible. Une coule braille à longueur de journée, à longueur d'année dans les ruelles de Londres, ou là de Rennes, ou là de Paris, ou là de Francfort, ou là dans la Lune, ça ne changera rien de l'avilissement dans lequel on est, tant qu'on ne revient pas à la religion d'Allah, et on ne revient pas à la sunna de Mohammed alayhi sallatou salam, et à la voix du prophète alayhi sallatou salam, comme le veut Allah. Comme il a dit l'imam Malik, rien ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Il est évident que le début de cette communauté n'a pas été basé ni sur les manifestations, ni sur les sittings, ni sur les pourparlers à dormir debout et les histoires à dormir debout. Voilà. Rien de tout ça. Plus tu sors dehors, plus tu sors et tu transgresses la loi d'Allah, et que tu es en divergence avec ton prophète, et que tu es dans une mixité entre les frères et les sœurs, et les échanges de téléphones, et les rendez-vous, plus l'ennemi d'Allah est content. Ils ne sont pas dans la réalité. On fait ce qu'on veut encore. Ils ne sont pas éveillés. Ils dorment encore, ils sont dans la caverne, dans la caverne plutôt encore. On a devant nous beaucoup de temps encore. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas pris le chemin pour pouvoir nous combattre. Donc on est tranquille. On peut dormir encore tranquille. Ainsi dit l'ennemi d'Allah Azzawajal. Parce que lui, ce que toi tu honores faire en Allah Azzawajal, lui il le sait. Et lui il le sait. Et combien de fois certains ennemis d'Allah Azzawajal ont donné des claques à certains de la communauté. Celui de la communauté lui dit, notre prophète nous a dit que nous allons prendre le dessus sur vous. Il a dit oui, mais le jour où vos prières d'Yaoul Fajr draineront tant de monde que les prières du vendredi. Et les prières d'Yaoul Fajr, quand tu tournes tes yeux à travers la planète, tu as des fois des mosquées, ils sont fermés, ils ne s'ouvrent même pas. Il n'y a personne pour les ouvrir. Les pauvres mouton tout seul avec l'imam. D'autres, 3 personnes, 2 personnes, 5 personnes. Mais quand tu arrives le vendredi, il n'y a plus de place. Est-ce qu'Allah s'adore seulement le vendredi? Ou là, il nous est demandé d'adorer Allah à tout instant de notre vie. La même chose pour Ramadan. Certains connaissent Allah pendant le mois de Ramadan. Dès que commence la veille du Ramadan, ils sont les premiers au rang. Ils laissent les feuilles, leurs feuilletons, etc. Tu les vois les premiers. Malheur à l'imam s'il arrive en retard. Tout à fait. Quand est-ce qu'on va prier Taraweh? Où t'étais toi toute l'année? Il avait dit l'Aïd, ils ont disparu. Même Salat l'Aïd, des fois tu ne les vois pas. Certains, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur, ben ils restent. Et d'autres, ils ont pris de l'islam tout simplement, comme quoi Allah est le souverain du Ramadan et des prières nocturnes du mois de Ramadan. C'est tout ce qu'ils ont retenu de la religion. Hein? Et on veut triompher. C'est comme ça faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Par Allah que non. Par Allah que non. Hein? فالذي ذكرناه من أن الله عز وجل هو الخالق وحده والمدبر وحده والمتصرف وحده والرازق وحده هذا كما قال العلماء هو توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية توحيد فطري تقر به كل الفطر ولا ينكره إلا مكابر معاند وفي قرارة نفسه يقره ويعترف أن الله ربه ورب كل شيء. Donc tout ce que nous avons cité, comme quoi Allah, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui crée, etc., qui gère ce monde, etc., et qu'il est le seul à le faire, à faire toutes ces choses-là, hein? Ceci, c'est le monothéisme de la souveraineté. Mais le monothéisme de la souveraineté, personne ne l'a rejeté. Parmi les associateurs, tous les associateurs le reconnaissent. Ceux qui l'ont rejeté, ils l'ont rejeté par orgueil. Mais en eux-mêmes, ils le reconnaissent. En eux-mêmes, c'est ancré. Comme quoi, c'est Allah qui gère ce monde et que c'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui, hein, qui gère ce monde et qui donne la vie et qui donne la mort. Parce que ça, c'est inné en la personne. Ils ne peuvent pas le rejeter comme ça. ولهذا لم يحتج الأمر إلى جدال مع من يجادل في هذا النوع من التوحيد. فرعون يسأل موسى عليه الصلاة والسلام وما رب العالمين؟ يجيب موسى عليه الصلاة والسلام ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى يجادلهم بحجج يعلم أنها في نفوسهم ويقول لفرعون لقد علمت، يعني أنت تعلم في الباطن يا فرعون، لقد علمت ها؟ وتقر بذلك، وأنك لا تحتاج ولا يحتاج الأمر إلى إثبات ولا إلى براهين. قال عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بها ظلما من عند أنفسهم وعلوا في الأرض وفسادا في الأرض. C'est pour ça que, en ce qui concerne la souveraineté d'Allah Azzawajal, la situation pour les prophètes ne demandait pas beaucoup d'argumentation pour combattre et pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne les subsistances. Loin de là. La souveraineté est ancrée et innée dans les personnes. C'est pour ça qu'on te fait, on a posé la question à Moussa, ça, tu sais, il a dit, et qui est le souverain des mondes? Moussa lui répond simplement, il n'a pas fait une dissertation. Il lui répond tout simplement, votre souverain est le souverain de vos parents. C'est tout. Il n'a rien rajouté. Et il lui a dit, tu sais, il s'adresse à Pharaon, il lui dit, tu sais, c'est-à-dire en toi, tu sais dans ton fort intérieur, et c'est, tu le confirmes dans ton intérieur tout ça. Et que la situation n'a pas besoin que je te l'éprouve. Qu'Allah, c'est le souverain de tout ça. Et il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, ils ont rejeté, ont été rejetés, mais leur cœur ont une certitude dessus. Mais pourquoi ils l'ont rejeté? Par orgueil, etc. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par injustice, par le fait de voir la suprématie sur les gens. Mais en réalité, ils ont la certitude dans leur cœur que le souverain de tout ça et celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Mais ils l'ont rejeté par injustice, par le fait de vouloir prendre le pouvoir et d'être au-dessus de tout le monde. فهذا توحيد الربوبية لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى براهين كثيرة، إنه مستقر في الفطر. إنما كانت دعوة الرسل لأقوامهم في توحيد الألوهية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Le monothéisme de la souveraineté, hein, ça n'avait pas besoin de la part des prophètes, pas besoin de le prouver avec beaucoup d'épreuves, etc. De paroles et c'est fini. Hein? Parce qu'il est inné dans la personne de reconnaître que Allah est le souverain de tout, le créateur de tout. Et c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, etc. Mais le prêche et la da'wa du prophète, c'est le monothéisme, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où il y a le plus grand des problèmes entre eux, les peuples et leurs messagers, alayhi salatu wa salam. Il dit dans le verset, tout prophète est arrivé à son peuple, lui a dit, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et les problèmes du prophète vont commencer à partir de là. Si un prophète, il arrive, Allah, c'est le créateur. Allah, c'est ça. Vous croyez qu'Abu Lahab et Abu Jahl vont faire la guerre à Mohammed alayhi salatu wa salam, hein, et être la cause qu'il se sauve de la Mecque vers Médine pour sauver sa religion, hein, que si Mohammed alayhi salatu wa salam les a appelés vers le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, Allah est celui qui donne la subsistance. Voilà. Ça, c'est dans le Coran, il dit, si tu leur poses la question, qui a créé ce... ils vont te dire Allah, direct. Hein? Ça... توحيد الألوهية هكذا سماه العلماء، لأن معناه إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله ولا تعبد سواه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا النداء القرآني يوجه لكل من يعرف الكتب ولكل من أنزل عليهم الكتاب ولكل من يعرف الرسل، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي دعوة الأنبياء ودعوة الرسل. فمن الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. L'ulouhiya, tawhid l'ulouhiya, les hommes de science l'ont appelé ainsi parce que ça veut dire tout simplement réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'essentiel de la da'wa de tous les messagers alayhi salatu wassalam. Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer, de ne pas vouer le culte à quelqu'un d'autre qu'Allah. L'appel du Coran à tous ceux qui ont reçu le livre, il est ainsi. Il est dit dans le verset, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. C'est quoi cette parole commune entre nous? Qu'on adore qu'Allah, qu'on réserve le culte exclusivement à Allah, qu'on ne fasse aucun associé. Et que les uns et les autres ne se prennent pas comme des divinités, hein, en dehors d'Allah. Et s'ils y tournent, dis-leur, attestez que nous sommes soumis à Allah, que nous sommes musulmans, que nous sommes monothéistes. Hein? Ça, ou aux gens du livre, venez vers une parole. La parole commune, quoi? C'est quoi? C'est la ilaha illallah. Réservez le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le même message, il peut l'adresser maintenant au groupe qui est sur terre, au groupe qui est dans la communauté musulmane, que ce soit les rois, n'importe quel secte, dit le soufia, etc. Venez vers une parole commune. Votre ménage, venez qu'on le claque et qu'on le mesure et qu'on lui trouve, hein, ses lacunes dans la parole commune qui est la ilaha illallah, hein, ni digne d'être adoré qu'Allah. Est-ce que votre ménage correspond à cette parole? Est-ce que votre ménage, sa source est cette parole avec sa sœur qui va de pair avec elle qui est Muhammadur Rasulullah qu'on fasse tout ce qu'on doit faire selon la voie et ce qu'a transmis Mohammed alayhi salatu wassalam. La même parole qui est dite aux gens du livre, il est dit aux autres. Hein? Parce que ça, c'est la voie sur laquelle tous les messagers alayhi salatu wassalam, c'est le pilier sur lequel a été basé la dawa des prophètes alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute dawa dont la base n'est pas la ilaha illallah est une dawa nulle et non avenante. Presque un siècle maintenant que la dawa des ikhwan existe, ou la dawa des tablir, ou la les sororiya un peu moins d'un siècle et autres, et comme le principal pilier de ces voies n'est pas la dawa vers le monothéisme, ils arrivent toujours, ils se plaquent contre le mur. La dawa d'Yassine du Maroc, il basait sur le bouddhisme, sur le sophisme, etc., plaqué contre le mur. C'est pour ça que leurs actes sont en divergence avec la parole d'Allah et avec l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tant qu'ils ne reviennent pas à la source, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, avec la compréhension des plusieurs d'Allah, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, et ceux qui les suivent à la perfection, chaque fois qu'ils vont dans une allée, ils vont arriver à la fin. Il y aura toujours l'impasse. Ils vont se cogner contre le mur, ils vont prendre un laps de temps pour réfléchir. Allons, réfléchissons. Quelle voie maintenant nous allons faire? Jusqu'à maintenant, pour te donner un petit exemple, parmi tant d'autres, ils ont les manifestations et les manifestations. Maintenant, ils sont passés à autre chose, les sitting, tel point que les vieux ne comprennent pas ce que ça veut dire le terme sitting. Dans la région de Lille, le premier qui a commencé ça la semaine dernière, a appelé les gens vers un sitting, ils ne savaient pas. Vous allez sortir devant la mosquée, vous allez faire comme moi, vous asseoir. Et vous allez dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, 100 fois. Dans, on innove, on excelle dans tout ce qui est divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Jusqu'où ça va aller, tu verras, frère Allah azza wa jalla. Puisque certains ont même fait le théâtre comme moyen de da'wah, l'anachid comme moyen de da'wah, le cinéma comme moyen de da'wah, la mode comme moyen de da'wah, et ainsi de suite. Ils disent, il faut vivre son siècle. Nous avons besoin d'alternatif. Celui qui a la compréhension du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a la compréhension de ses puseurs d'Allah alayhi wa sallam, n'a pas besoin d'alternatif. Anta abdullah, tu es serviteur d'Allah, tu es croyant. Il suffit tout simplement une chose, que tu connaisses Allah et quand l'ordre te vient d'Allah et te vient de son prophète, tu dois dire tout simplement sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous obéissons. C'est tout. Pas besoin d'alternatif. Pas besoin de dissertation. Pas besoin de management ni de sortir de Oxford ou là de l'école des politiciens, etc. Tout ça. Du pipeau. Du vent. Du vent. Il n'emmène vers rien. Walou. L'impasse totale. C'est vrai qu'au début, c'est beau. La dissertation et la personne qui s'y met se sent un peu un langage nouveau. Des termes. Un lexique tout à fait nouveau qu'il fait découvrir à la jeunesse musulmane. Mais petit à petit, tu grattes, la couche de peinture s'enlève, et après la réalité apparaît. Et c'est ce que vit la communauté de Mohammed maintenant. Pour ce qui concerne ces groupes, leur réalité commence à apparaître, ils ne savent plus comment faire. Même le commun du musulman, qui n'a pas de science de rien, commence à revenir à lui-même. Je parlais avec quelques vieux dans la mosquée où j'ai fait le jumeau à la semaine dernière. Et par Allah, tu sens en eux que tous ces mouvements et tout ça, c'est rien. Il y a un vieux, il m'a dit, depuis 67, on entend le même langage. Mais ça n'a rien fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même refrain. Il m'a dit, mais ça n'a rien fait. Il n'a ni bac plus 7, ni bac moins 7. Rien. Pauvre, il est arrivé, travaillant dans les mines, là, je ne sais plus où, connaissait même pas l'arabe, rien du tout. Mais sa fitra lui a fait comprendre que, hein, on nous a assez bernés par ce langage, et qu'il est temps de revenir à la réalité, et qu'il n'y a rien qui peut nous changer, qui peut faire notre suprématie, et ne prévaloir l'agrément d'Allah que le fait de revenir à ce que veuillez nous Allah subhanahu wa ta'ala. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويقول لهم نحن لا ندعوكم عندما نزلت الآية على محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الكتاب نحن ندعوكم ولكن لا ندعوكم إلى بدع من القول بل نحن أنتم سواء نقول لكم تعالوا ونحن معكم ندين جميعا لله بالطاعة وبالتوحيد فنحن وأنتم يا أهل الكتاب عبادا لله لا يعظم بعضنا بعضا تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد البروفيت عليه الصلاة والسلام quand il a reçu ce verset disait à ces gens de livre venez, vous et nous je ne vous appelle pas vers une parole innovée ou vers une voix innovée mais nous et vous, nous devons être à pied d'égalité, accomplir la religion et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous et vous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous ne devons pas se vénérer les uns les autres. Une vénération qui ne sied qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole vers laquelle les appelés Mohammed a.s. les gens de livre, c'est le monothéisme. La même chose, il est dit à ces groupes qui existent. Venez tous, notre devoir à nous et à vous, c'est d'oublier Allah et de suivre son message a.s. C'est ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Nos tristesses doivent être conditionnées par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed a.s. Nos sentiments. Cette communauté musulmane est une communauté trop sentimentale. Et les sentiments sont bons s'ils sont conditionnés par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Sinon, al-awasif tasbihu awasif illam tuqayyad bi kitabillah wa sunnati al-mustafa alayhi salam. Sinon, les sentiments vont devenir une tempête s'ils ne sont pas conditionnés par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Obligé de revenir vers ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala et de conditionner nos sentiments avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est pas nos sentiments ne doivent pas prendre le dessus sur ce que veut de nous Allah et ce que nous a dicté la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam et la voix de nos plus élevés d'Allah alayhi. Sinon, on va s'égarer et égarer avant nous et on va perdre notre bas monde et le delà. Notre agrément dans ce bas monde. Et notre agrément dans le delà, il est dans le fait d'oublier à Allah et d'oublier à son messager, alayhi salatu wassalam. Et tout ce qui est en dehors de ça que Mohammed n'a pas fait et que ses compagnons n'ont pas fait, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation, akhal islam. Et on est dans, il faut qu'on s'exprime, etc. Ça, est-ce que c'est nous qui connaissons au mieux ce qui va faire notre intérêt dans ce bas monde et dans l'au-delà ou Allah? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît notre intérêt où il est. Donc, notre remède, nous devons le chercher dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans la voix du puiseur d'Allah alayhi. Et les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sont clairs dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impossible que nous, on touche une vérité que les compagnons ont ratée. Qui a choisi Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner son messager pour transmettre cette religion? Nous, ou là Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et Muawiya. Qui l'a choisi pour apprendre directement de Muhammad alayhi salatu wassalam et transmettre aux générations après? Nous, eux. Hein? On va dire tout ce qui n'est pas dans leur voix et dans leur acte, c'est On est en train de sortir du sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, on le demande chaque jour, dans chaque prière. Dis-nous le sirat al-mustaqim. C'est quoi ce sirat? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur la voie droite. On le demande tous les jours, dans nos prières. Est-ce que nous comprenons ce que nous demandons? C'est quoi cette voix qu'on demande? On demande la voix de ceux qui ont, qui sont comblés avec le bienfait de Allah. Qui sont-ils? Est-ce que je vais les connaître avec ma raison? Ou là je vais attendre Hassan al-Banna, ou là Elias, ou là Soro, ou là Paul, Jacques, pour me le faire connaître là? Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il me l'a fait connaître. C'est quoi la voix de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits? Dans l'autre verset, « Oman yuta'i Allah wa rasoul fa'ulaika ma'a alladina an'ama Allahu alayhim min al-nabiyin wa s-siddiqin wa shuhada wa s-salihin wa hasuna ulaika rafiq. » Allah, il me sort de ce dilemme, je n'ai besoin de personne à part de la sonnette de mon prophète, et de la voix de mes cousins. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné ce chemin. Hein? Dans le verset, et le verset est clair, celui qui obéit à Allah et au messager, ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes. Les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Il n'a pas dit Jama'at Tabligh, ni Jama'at l'Ikhwan, ni Sururiya, ni l'Khawarij, ni l'Adwa l'Ihsan, tout ça n'existait pas. Mais il t'a parlé des messagers, des prophètes. Et le meilleur d'eux, le dernier, c'est Mohammed alayhi salam. Et il t'a parlé des véridiques. Il est le meilleur de l'humanité, le meilleur véridique de l'humanité, après les prophètes, alayhi salam, c'est Abu Bakr. Et les véridiques, ce sont les compagnons de Mohammed, alayhi salam, après Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. » Allah, il a dit, « Ô vous qui avez cru, préservez les droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, et soyez avec les véridiques. » Quand le verset est descendu, il y avait Abu Bakr, Omar, Uthman, Muawiyah, Hassan al-Banna et les autres n'existaient pas. Donc les véridiques, ce sont eux, avant qui que ce soit. Hein? Et Abu Bakr Siddiq a réglé un des problèmes qui allait naître dans la communauté avec ce verset. Sur le toit de Banu Saïda, hein? Au moment où la mort du prophète, alayhi salam, les Ansar venaient prendre un émir parmi eux. Et Abu Bakr est arrivé avec Omar et d'autres compagnons. Et après avoir débattu avec eux, à la fin, il a cité le verset, tout le monde s'est rallié. Et vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Il leur a dit, soyez avec nous, Allah il nous a appelés les véridiques. Et c'est vrai, ce sont les véridiques. Qu'on déplaise à Rafida, qu'on déplaise à ceux qui les insultent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. C'est eux qui méritent les insultes. Et ce qui nous attend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils se repentent, c'est pire que des insultes. Hein? Parce que insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, et alors peut-être Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali, cela, c'est. On ne veut pas aller directement insulter Mohammed alayhi salatu wassalam, on passe par ses compagnons. Et on parle mal sur ses compagnons pour que les gens disent. S'il a des mauvais compagnons comme ça, donc lui, il est mauvais. C'est une insulte directement au prophète, alayhi salatu wassalam. Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Et vous voyez cette tête d'Yel Ikhwan, là, le Qardawi, le Ghazal, et les gens passent. Il faut oublier nos divergences et mettre la main dans la main avec Shia, avec Rafid. Comment on peut mettre la main dans la main avec eux? Avec des gens qui insultent Abu Bakr, Omar et Uthman. Comment on mettre la main avec eux? Comment on se met d'accord avec eux sur quoi? Sur quoi? Ils ne reconnaissent pas notre Coran. Ils disent n'importe quoi sur Aïcha, du blâmable, ils blasphèment sur la personnalité de Aïcha. Ils la traitent de femme d'adultère. Et dans ça, ils ressemblent à qui? Aux juifs qui ont traité Mariam d'adultère. Hein? Et ils disent que Jibril s'est trompé au lieu de donner le message à Ali, il l'a donné à Mohammed. Et les ennemis de Jibril, de Mikaël, dont Allah subhanahu wa ta'ala me parle, ce sont les juifs, donc c'est une voix du juif aussi. صلى الله سبحانه وتعالى والعافية. قالوا لا يفو بلي نو ديفيرجونس يا اخي كاين ديفا سي لي فوندمون دو لا ريليجيون دو كو تو ني دوموند دو اوبلي وسمي داكور سور كوا يا با بون كي بو نو ليي avec Shia, celui qui le croit, il est en train de dire n'importe quoi et d'admirer cette communauté dans l'erreur et dans une énorme erreur. On se met d'accord, repentez-vous de ce que vous dites, laissez tomber ce que vous dites sur Aïcha et revenez à la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala parachevé et revenez à l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam et à la voix des puiseurs de Allah alayhi et à leur tête Abu Bakr et Omar et Uthman, et on est avec vous. Mais tant que vous les insultez, ah, comment on peut être avec vous? Vous voyez un petit peu? Alors, Hadou, c'est des politiciens. Et un politicien, c'est un démagogue, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Parce que le but, c'est d'arriver à quelque chose, à un siège, quelque part. Et quand on a le but, c'est un siège, ben on fait n'importe quoi. On vend la religion. On laisse des choses essentielles dans la religion pour plaire à l'autre. Et pour être avec l'autre. C'est trop dangereux. Là, c'est une religion agréée en Allah. C'est pas une religion qui sort de la pensée humaine. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, regarde, est-ce que cette chose est agréée en Allah, légiférée en Allah, et il est authentique de la sunna. Est-ce que d'abord, il est authentique? Ah. Comment l'ont fait les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam? Parce qu'il est impossible que nous, on arrive à une vérité et à une droiture dans laquelle n'étaient pas les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. C'est impossible. Il faut avoir le désespoir sur ça. Qu'on ne peut pas arriver à la cheville, même pas à la cheville, à la poussière qui descendait du petit compagnon parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Personne dans l'humanité. Allah, il l'a décrété ainsi. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu anhum. Laqad radiyallahu anhum mu'minina yubayi'unaka tahta ash-shajara. L'agrément, ils l'ont aimé Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, on ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a orienté leur cœur. Hein? Et donc, il faut couper court qu'on peut arriver à être mieux qu'eux, ou là, à amener quelque chose, ou faire quelque chose mieux qu'eux. C'est impossible. C'est impossible, l'akhal islam. Ya ahl al-kitab, la nad'oukoum ila shay'in yakhussoukoum dounana, wa la nad'oukoum ila an nasta'bidakoum wa nakouna fawqakoum, ben nahnu antum ibadu lillah. نحن وإياكم عباد لإله واحد لا شريك له وليس له صاحب وليس له ولد ولم يلد ولم يولد. Donc dans le verset il appelle les gens du livre, il leur dit venez à une parole commune entre nous. On ne vous appelle pas vers quelque chose qui est particulière à vous, sans nous, mais on vous appelle à quelque chose qui est commun entre nous et vous, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on adore le seul digne d'être adoré qui est Allah, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de femme, qui n'a pas été engendré, et qui n'a pas engendré. Hein? La même chose à ces groupes, il y a ces démagogues dans la communauté. Venez à une parole commune et à une voix commune. Nous et vous. Venez, on vous appelle. Vous faites de réserver le culte exclusivement à Allah. Et vous faites aussi de suivre la sunna de Muhammad alayhi salatu salam selon la voix et la compréhension de nos puiseurs de Allah alayhi. Pour que tous on puisse arriver vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الرب الكريم هو الذي ندعو الجميع ليعبدوه وهو إله واحد عز وجل. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. إذن ليس معنى التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وإنما معبود معناها لا معبود بحق إلا الله. فنحن لا ننفي الخالق ولا ننفي الرازق ولا ننفي المدبر والمتصرف والمالك لكل شيء، ثم نثبت ذلك لله، بل ننفي المعبود من دون الله عز وجل. هذا الذي ننفيه، ننفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ونثبت العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. Toute da'wa doit être basée sur ça. Ce souverain, hein, c'est vers Allah Azza wa Jal que nous devons appeler tout le monde. Et tous nous devons appeler vers le fait que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les gens ne fassent pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme, c'est réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et désavouer tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est pas affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il est le créateur ou celui qui gère, etc. Mais sa réelle signification, c'est ni digne d'être adoré qu'Allah. Donc, nous, on ne nie pas que le créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on confirme que la création est Allah azza wa jal. Là, ce qu'il faut qu'on nie, c'est que tout ce qui s'adore dans Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être. Et c'est lui le nom avenant. Et confirmer, affirmer l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est il crée, il gère ce monde, etc. Mais c'est pas ça la ilaha illallah. Dans la ilaha illallah, il n'y a pas la négation des créateurs. Mais dans la ilaha illallah, il y a la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et affirmer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa at-tawhid anna na'budu Allah wahdahu la sharika lah. Fa farqun kabir bayna qawli ahli al-'ilm ma'na la ilaha illa Allah la ma'buda bi haqqin illa Allah wa qawl al-ba'd ma'na la ilaha illa Allah la khaliqa illa Allah aw la hikma illa Allah. ودليل أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Donc le monothéisme, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah سبحانه وتعالى et de ne pas lui faire d'associer. Il y a une grande différence entre le fait de dire que la signification de la ilaha illallah, il n'est le créateur qu'Allah, on ne donne la subsistance qu'Allah. Et une grande différence avec la parole des hommes de science qui ont, hein, qui est correcte et authentique, qui dit, qui veut que la signification de la ilaha illallah, dire ni digne d'être adoré qu'Allah. Et d'où vient ce terme digne dans la ilaha illallah? Il vient d'un verset. Allah, c'est la vérité qui doit être adorée. C'est le seul qui doit être adoré. Il est seul digne d'être adoré. Et tout ce que, tout ce à qui vous demandez en dehors d'Allah, c'est nul et faux. Wa ana aqif al-an 'inda hadha inshallah. Ana wara ana dars madha fa subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakallahu khairan.